En Corée du Sud, le Parlement effectue depuis le 24 mai l'audition des candidats pour les postes importants du gouvernement, comme celui au Premier ministre. Le côté conservateur, notamment le Parti de la Corée libre, en profite pour la confrontation avec le Nord. En blâmant le candidat au Premier ministre, les conservateurs lui ont réclamé de préciser nettement sa position pour le problème d'amélioration des droits de l'homme du Nord et l'ont interrogé s'il approuve que le Nord est l'auteur de l'incident du navire Chonan. De plus, même Soo Chang-won, qui a été chassé du Parti de la Corée libre, a vérifié l'état de la dépendance au Nord des candidats, y compris celui au directeur de l'Agence nationale de renseignement.